Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un documentaire choc. Colline Serrault, la réalisatrice, nous explique pourquoi elle a tourné ce film. Les films d'alerte et catastrophistes ont été tournés. Ils ont eu leur utilité, mais maintenant il faut montrer qu'il existe des solutions. Faire entendre les réflexions des paysans, des philosophes et économistes qui, tout en expliquant pourquoi notre modèle de société s'est embourbé dans la crise écologique, financière et politique, inventent et expérimentent des alternatives. Qu'est-ce que c'est que la Première Guerre mondiale, en fait ? C'est l'éradication de la paysannerie qui se fait massacrer au front. L'invention des gaz moutarde qui va donner tous les insecticides. Et la Révolution verte, elle était verte par la couleur du dollar. Une grande caractéristique du début de l'an 2000, les riches se révoltent, ils trouvent que vraiment les pauvres, ça suffit, quoi. Il va falloir que ça s'arrête un petit peu parce que ça commence à être franchement pénible. Ça peut se terminer à la mitraillette, cette affaire. Parce que c'est une grande violence d'empêcher les gens de vivre. Vous voyez des trucs complètement fous, quoi. Des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses. Comme ces crevettes danoises qui vont se faire nettoyer au Maroc pour revenir au Danemark. Ils ont essayé de faire des œufs carrés, ils y sont pas arrivés. Dans les années 70, on n'avait pas le droit de dire qu'on cultivait bio parce que c'était, paraît-il, de la concurrence déloyale. Alors que faire ? Quelques solutions sont indiquées dans ce film. Solutions locales pour un désordre global, un DVD des éditions Montparnasse.